Chapitre 34e, Illusion retrouvée, secret perdu. À peine M. de Calonne traversait-il la galerie pour retourner chez lui, que l'ongle d'une main pressée gratta la porte du boudoir de la reine. Jeanne parut. « Madame, dit-elle, il est là. »« Le cardinal ? » demanda la reine, un peu étonnée du mot « il », qui signifie tant de choses prononcées par une femme. Elle n'acheva pas. Jeanne avait déjà introduit M. de Rohan et pris congé, en serrant la dérobée la main du protecteur protégé. Le prince se trouva seul à trois pas de la reine, à laquelle il fit bien respectueusement les saluts obligés. La reine, voyant cette réserve pleine de tact, fut touchée. Elle tendit sa main au cardinal, qui n'avait pas encore levé les yeux sur elle. « Monsieur, dit-elle, on m'a rapporté de vous un trait qui efface bien les torts. »« Permettez-moi, dit le prince en tremblant d'une émotion qui n'était pas affectée, permettez-moi, madame, de vous affirmer que les torts dont parle votre majesté seraient bien atténués par un mot d'explication entre elle et moi. « Je ne vous défends point de vous justifier, répliqua la reine avec dignité, mais ce que vous me diriez jetterait une ombre sur l'amour et le respect que j'ai pour mon pays et ma famille. Vous ne pouvez vous disculper qu'en me blessant, monsieur le cardinal. Mais tenez, ne touchons pas ce feu mal éteint. Peut-être il brûlera encore vos doigts ou les miens. » Vous voir sous le nouveau jour qui vous a révélé à moi, obligeant, respectueux, dévoué. Dévoué jusqu'à la mort, interrompit le cardinal. À la bonne heure. Mais, fit Marie-Antoinette en souriant, jusqu'à présent il ne s'agit que de la ruine. Vous me seriez dévoué jusqu'à la ruine, monsieur le cardinal? C'est fort beau, bien assez beau. Heureusement j'y mets bon ordre. Vous vivrez et vous ne serez pas ruiné, à moins que, comme on le dit, « Vous nous ruiniez vous-même, madame. Ce sont vos affaires. Toutefois, en ami, puisque nous voilà bons amis, je vous donnerai un conseil. Soyez économe. C'est une vertu pastorale. Le roi vous aimera mieux économe que prodigue. Je deviendrai avare pour plaire à votre majesté. » « Le roi, reprit la reine avec une nuance délicate, n'aime pas non plus les avares. Je deviendrai ce que votre majesté voudra, interrompit le cardinal avec une passion mal déguisée. « Je vous disais donc, coupa brusquement la reine, que vous ne seriez pas ruiné par mon fait. Vous avez répondu pour moi, je vous en remercie, mais j'ai de quoi faire honneur à mes engagements. Ne vous occupez donc plus de ces affaires qui, à partir du premier paiement, ne regarderont que moi. » « Pour que l'affaire soit terminée, madame, dit alors le cardinal en s'inclinant, il me reste à offrir le collier à votre majesté. » En même temps, il tira de sa poche l'écrin qu'il présenta à la reine. Elle ne le regarda même pas, ce qui accusait chez elle un bien grand désir de le voir, et, tremblant de joie, elle le déposa sur un chiffonnier, mais sous sa main. Le cardinal essaya ensuite quelques propos de politesse, qui furent très bien reçus, puis revint sur ce qu'avait dit la reine à propos de leur réconciliation. Mais comme elle s'était promis de ne pas regarder les diamants devant lui et qu'elle brûlait de les voir, elle ne l'écouta plus qu'avec distraction. Par distraction aussi, elle lui abandonna sa main, qu'il baisa d'un air transporté. Alors il prit congé, croyant gêné, ce qui le combla de joie. Un simple ami ne gêne pas, un indifférent moins encore. Ainsi se passa cette entrevue, qui ferma toutes les plaies du cœur du cardinal. Il sortit de chez la reine, enthousiasmé, ivre d'espérance, et prêt à prouver à Madame de Lamotte une reconnaissance sans borne pour la négociation qu'elle avait si heureusement menée à bien. Jeanne l'attendait dans son carrosse, 100 pas en avant de la barrière. Elle reçut la protestation ardente de son amitié. « Eh bien, dit-elle, après la première explosion de cette gratitude, serez-vous Richelieu ou Mazarin ? La lèvre autrichienne vous a-t-elle donné des encouragements d'ambition ou de tendresse ? Êtes-vous lancé dans la politique ou dans l'intrigue ? Ne riez pas, chère comtesse, dit le prince, je suis fou de bonheur. Déjà ? Assistez-moi, et dans 3 semaines, je puis tenir un ministère. » « Peste, dans 3 semaines, comme c'est long. L'échéance des premiers engagements est fixée à 15 jours d'ici. Oh, tous les bonheurs arrivent à la fois. La reine a de l'argent, elle paiera. J'aurai le mérite de l'intention seulement. C'est trop peu, comtesse, d'honneur. C'est trop peu. Dieu m'est témoin que j'eusse payé bien volontiers cette réconciliation au prix de 500 000 livres. Soyez tranquille, interrompit la comtesse en souriant. Vous aurez ce mérite-là par-dessus les autres. Y tenez-vous beaucoup ? J'avoue que je le préférerais. La reine devenue mon obligé, mon seigneur. Quelque chose me dit que vous jouirez de cette satisfaction. Vous y êtes-vous préparé ? j'ai fait vendre mes derniers biens et engagé pour l'année prochaine mes revenus et mes bénéfices. Vous avez les 500 000 livres alors ? Je les ai. Seulement, après ce paiement fait, je ne saurais plus comment faire. Ce paiement, s'écria Jeanne, nous donne un trimestre de tranquillité. En 3 mois, que d'événements, bon Dieu ! C'est vrai. Mais le roi me fait dire de ne plus faire de dettes. Un séjour de 2 mois au ministère vous mettra tous vos comptes honnêtes. Oh, comtesse, ne vous révoltez pas. Si vous ne le faisiez pas, vos cousins le feraient. Vous avez toujours raison. Où allez-vous ? Retrouver la reine, savoir l'effet que produit votre présence. Très bien, moi je retourne à Paris. Pourquoi ? Vous auriez revenu au jeu ce soir. C'est une bonne tactique, n'abandonnez pas le terrain. Il faut malheureusement que je me trouve à un rendez-vous que j'ai reçu ce matin avant de partir. Un rendez-vous ? Assez sérieux, si j'en juge par le contenu du billet qu'on m'a fait tenir. Voyez. Une écriture d'homme, dit la comtesse, et elle lut. Monseigneur, quelqu'un veut vous entretenir du recouvrement d'une somme importante. Cette personne se présentera ce soir chez vous à Paris pour obtenir l'honneur d'une audience. Anonyme. Un mendiant. Non, comtesse. On ne s'expose pas de gaieté de cœur à être bâtonné par mes gens pour s'être joué de moi. Vous croyez ? Je ne sais pourquoi, mais il me semble que je connais cette écriture. Allez donc, monseigneur. D'ailleurs, on ne risque jamais grand-chose avec les gens qui promettent de l'argent. Ce qu'il y aura de pire, ce serait qu'ils ne payassent pas. Adieu, monseigneur. Comtesse, au bonheur de vous revoir. À propos, monseigneur, 2 choses. Lesquelles ? Si, par hasard, il allait vous rentrer inopinément une grosse somme, eh bien, comtesse, quelque chose de perdu, une trouvaille, un trésor. Je vous entends, espiègle. Par à deux, voulez-vous dire ? Ma foi, monseigneur. Vous me portez bonheur, comtesse. Pourquoi ne vous en tiendrai-je pas compte ? Ce sera fait. L'autre chose, à présent ? La voici. Ne vous mettez pas à entamer les 500 000 livres. Oh, ne craignez rien. Ils se séparèrent. Puis le cardinal revint à Paris dans une atmosphère de félicité céleste. La vie changeait de face pour lui, en effet, depuis 2 heures. S'il n'était qu'amoureux, la reine venait de lui donner plus qu'il n'aurait osé espérer d'elle. S'il était ambitieux, elle lui faisait espérer plus encore. Le roi, habilement conduit par sa femme, devenait l'instrument d'une fortune que désormais rien ne pourrait arrêter. Le prince Louis se sentait plein d'idées. Il avait autant de génie politique que pas un de ses rivaux. Il entendait la question d'amélioration. Il ralliait le clergé au peuple pour former une de ces solides majorités qui gouvernent longtemps par la force et par le droit. Mettre à la tête de ce mouvement de réforme la reine qu'il adorait et dont il eût changé la désaffection toujours croissante en une popularité sans égale, tel était le rêve du prélat, et ce rêve, un seul mot tendre de la reine Marie-Antoinette pouvait le changer en une réalité. Alors l'étourdi renonçait à ses faciles triomphes. Le mondain se faisait philosophe. L'oisif devenait un travailleur infatigable. C'est une tâche aisée pour les grands caractères que de changer la pâleur des débauchés contre la fatigue de l'étude. M. de Rohan fut allé loin, traîné par cet attelage ardent que l'on nomme l'amour et l'ambition. Il se crut à l'œuvre dès son retour à Paris, brûla d'un coup une caisse de billets amoureux, appela son intendant pour ordonner des réformes, fit tailler des plumes par un secrétaire pour écrire des mémoires sur la politique de l'Angleterre, qu'il comprenait à merveille, et depuis 1 heure au travail, il commençait à rentrer dans la possession de lui-même lorsqu'un coup de sonnette l'avertit dans son cabinet qu'une visite importante lui arrivait. Un huissier parut. « Qui est là ? » demanda le prélat. « La personne qui a écrit ce matin, monseigneur. » « Sans signer ? » ?»« Oui, monseigneur. » « Mais cette personne a un nom, demandez-le-lui. » L'huissier revint le moment d'après. « Monsieur le comte de Cagliostro, » dit-il. Le prince tressaillit. « Qu'il entre. » Le comte entra, les portes se refermèrent derrière lui. « Grand Dieu ! » s'écria le cardinal. « Qu'est-ce que je vois ? » « N'est-ce pas, monseigneur ? » dit Cagliostro avec un sourire, « que je ne suis guère changé. »« Est-il possible ? » murmura M. de Rohan. « Joseph Balsamo vivant ? » ?»« Lui qu'on disait mort dans cet incendie ?» Joseph Balsamo. Comte de Phénix, vivant, oui, monseigneur, et vivant plus que jamais. Mais, monsieur, sous quel nom présentez-vous alors, et pourquoi n'avoir pas gardé l'ancien ? Précisément, monseigneur, parce qu'il est ancien et qu'il rappelle, à moi d'abord, aux autres ensuite, trop de souvenirs tristes ou gênants. Je ne parle que de vous, monseigneur. Dites-moi, n'eussiez-vous pas refusé la porte à Joseph Balsamo ? Moi ? Mais non, monsieur, non. Et le cardinal, encore stupéfait, n'offrait pas même un siège à Cagliostro. C'est qu'alors, reprit celui-ci, votre éminence a plus de mémoire et de probité que tous les autres hommes ensemble. Monsieur, vous m'avez autrefois rendu un tel service. N'est-ce pas, monseigneur, interrompit Balsamo, que je n'ai pas changé d'âge et que je suis un bien bel échantillon des résultats de mes gouttes de vie? Je le confesse, monsieur, mais vous êtes au-dessus de l'humanité, vous qui dispensez libéralement l'or et la santé de tous. La santé, je ne dis pas, monseigneur, mais l'or, non, oh, non pas. Vous ne faites plus d'or? Non, monseigneur. Mais pourquoi? Parce que j'ai perdu la dernière parcelle d'un ingrédient indispensable que mon maître, le sage Altotas, m'avait donné après sa sortie d'Égypte. La seule recette que je n'ai jamais eue en propre, il l'a gardée? Non, c'est-à-dire oui, gardée ou emportée dans le tombeau, comme vous voudrez. Il est mort. Je l'ai perdu. Comment n'avez-vous pas prolongé la vie de cet homme, indispensable receleur de l'indispensable recette, vous qui vous êtes gardé vivant et jeune depuis des siècles à ce que vous dites? Parce que je puis tout contre la maladie, contre la blessure, mais rien contre l'accident qui tue sans qu'on m'appelle. Et c'est un accident qui a terminé les jours d'Altotas. Vous avez dû l'apprendre, puisque vous saviez ma mort, à moi. Cet incendie de la rue Saint-Claude, dans lequel vous avez disparu, a tué Altotas tout seul, ou plutôt le sage, fatigué de la vie, a voulu mourir. C'est étrange. Non, c'est naturel. Moi, j'ai songé 100 fois, en finir de vivre à mon tour. Oui, mais vous y avez persisté, cependant. Parce que j'ai choisi un état de jeunesse dans lequel la belle santé, les passions, les plaisirs du corps me procurent encore quelques distractions. Altotas, au contraire, avait choisi l'état de vieillesse. Il fallait qu'Altotas fît comme vous. Non pas. Il était un homme profond et supérieur, lui. De toutes les choses de ce monde, il ne voulait que la science. Et cette jeunesse, au sang impérieux, ses passions, ses plaisirs, l'eussent détourné de l'éternelle contemplation. Monseigneur, il importe d'être exempt toujours de fièvre. Pour bien penser, il faut pouvoir s'absorber dans une somnolence imperturbable. Le vieillard médite mieux que le jeune homme. Aussi, quand la tristesse le prend, n'y a-t-il plus de remède. Altotas est mort victime de son dévouement à la science. Moi, je vis comme un mondain. Je perds mon temps et ne fais absolument rien. Je suis une plante. Je n'ose dire une fleur. Je ne vis pas, je respire. Oh, murmura le cardinal, avec l'homme ressuscité, voilà tous mes étonnements qui renaissent. Vous me rendez, monsieur, à ce temps où la magie de vos paroles, où le merveilleux de vos actions, doublait toutes mes facultés, et rehaussait à mes yeux la valeur d'une créature. Vous me rappelez les vieux rêves de ma jeunesse. Il y a 10 ans, savez-vous, que vous m'ayez apparu. Je le sais, nous avons baissé tous deux. Allez. Monseigneur, moi je ne suis plus un sage, mais un savant. Vous n'êtes plus un beau jeune homme, mais un beau prince. Vous souvient-il, monseigneur, de ce jour où, dans mon cabinet, rajeuni aujourd'hui par les tapisseries, je vous promettais l'amour d'une femme dont ma voyante avait consulté les blancs cheveux? Le cardinal pâlit, puis rougit tout à coup. La terreur et la joie venaient de suspendre successivement les battements de son cœur. Je me souviens, dit-il, mais avec confusion. Voyons, fit Cagliostro en souriant. Voyons si je pourrais encore passer pour un magicien. Attendez que je me fixe sur cette idée. Il réfléchit. Cette blonde enfant de vos rêves amoureux, dit-il après un silence, où est-elle? Que fait-elle? Ah, parbleu, je la vois. Oui. Et vous-même l'avez vue aujourd'hui. Il y a plus encore. Vous sortez d'auprès d'elle. Le cardinal appuie une main glacée sur son cœur palpitant. Monsieur, dit-il si bas que Cagliostro l'entendit à peine. Par grâce. Voulez-vous que nous parlions d'autre chose? Fit le devin avec courtoisie. Oh, je suis bien vos ordres, monseigneur. Disposez de moi, je vous prie. Et il s'étendit assez librement sur un sofa que le cardinal avait oublié de lui indiquer depuis le commencement de cette intéressante conversation. Ainsi s'achève le tome 2 du Colis de la Reine par Alexandre Dumas.